Alors, samedi après-midi, et bien sûr dans cette heure nature sur France Bleu, comme chaque week-end, nous retrouvons la bonne idée des guides balado avec Jean-Michel Maman, le directeur éditorial. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Jean-Michel ? Bah, très bien, à fond la forme. Bon alors, on va se balader du côté de l'Île-de-France aujourd'hui, à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne pour être précis. Tout à fait, à la rencontre du Grand Morin. C'est une descente de ce Grand Morin. Le Grand Morin est une rivière. Il ne faut pas confondre avec le Christian. Absolument, c'est petit cousin là. Donc c'est une rivière plutôt calme qui compte un nombre impressionnant de moulins et donc de déversoirs sur tout son long. Donc la particularité, c'est qu'on se retrouve bien souvent dans l'eau. Parce bah oui. Que avec tous ces moulins, tous ces passages, ça s'agite énormément. Donc vous passez environ plus de temps dans l'eau que dans le canoë-kayak, mais... C'est très sympa et très rafraîchissant en ce moment. Alors c'est en groupe, on part à combien de kayaks, combien de canoës ? Non mais vous pouvez partir seul, enfin du moins à deux. Oui. L'idée étant que le plus costaud des deux passagers se place à l'avant. Ah c'est pour moi ça. Voilà, et moi je serai plutôt à l'arrière. Et donc vous faites office de moteur en pagayant sur le côté gauche. Et moi j'essaie de faire le gouvernail du côté droit. Et si on pagaye du même côté, eh ben, on se retrouve à l'eau. Et c'est une descente plutôt rapide ou ouverte à tous enfin, on va dire pour les débutants, est-ce qu'on peut l'effectuer ? Elle est facile, disons que la difficulté est qu'elle est sur 20 km. Donc, ah oui, il faut de l'endurance. Voilà, bon, maintenant on peut la faire aussi de manière plus réduite en la commençant plutôt au départ de Coulommiers ou de Pomeuse. Dans ce cas-là, ça sera qu'une petite dizaine de kilomètres et c'est déjà pas mal. L'eau est fraîche ? Oui, très, surtout en ce moment. Mais ouais. Ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien, oui, surtout avec ces grosses chaleurs encore que nous vivons. Qu'est-ce que vous conseillez pour l'équipement nécessaire pour des personnes qui, comme moi, ne vont à quelqu'un qui pratique, mais moi, je n'ai jamais pratiqué. Imaginons, qu'est-ce que j'emmène ? Une combinaison particulière ? Vous évitez les tongs, comme aujourd'hui. Merci. Et donc, vous allez plutôt mettre des pattes au gaz. C'est vraiment pas mal, ça, parce que bon, ça sèche vite. Et puis, un short. Prenez avec vous une serviette. On ne nous fournit pas de combinaison ? Non, il n'y a pas besoin. On fournit un gilet, par contre. Un gilet de, qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Ensuite, vous pouvez mettre votre serviette, une bouteille d'eau et la crème solaire dans un conteneur qu'on vous donne et qui est placé à l'arrière, qui est sanglé sur le canoë-kayak. Alors, 20 km, c'est une journée complète, là. C'est une petite heure. Ah, 20 km, non, une petite heure. Une demi-journée. Ah, bah génial. Petite heure pour vous. Oui, et puis il y a des pique-niques organisés, il y a des arrêts, il y a des stops. Vous amenez votre casse-croûte et vous vous arrêtez où vous voulez tout au long de la descente. C'est vraiment très très sympa. Il faut faire ça de manière assez cool. Ah, bah c'est tentant en tout cas. Donc c'est en Seine-et-Marne, à Crécy-la-Chapelle, la descente donc du Grand Morin. Ça coûte cher ? Alors le biplace coûte 35 € sur la demi-journée, et puis le canoë, c'est 45 € la journée. Bon, ça va. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable pour une demi-journée. Voilà, et puis on ne fait pas la queue comme dans les parcs d'attractions, c'est beaucoup plus cher en plus. Absolument. Et on s'amuse. Merci beaucoup Jean-Michel Maman. On retrouve toutes les informations sur balado.fr, votre site internet. Et puis sur francebleu.com, vous pouvez réécouter cette chronique pour toutes les explications en podcast. Merci, bonne balade.